Une chambre d'hôtel sordide, une chaleur torride, le décor idéal pour la fin de la balade. Le schéma se dessine finalement, bientôt le dénouement. Un bruit sur le palier, dans l'escalier, mais ça ne s'arrête pas là. J'entends quelqu'un monter, j'entends des pas dans le couloir.